35e épisode, tragique aventure. Son 87e chapitre, cruelle énigme, suite. Et Fabien se rejeta vivement en arrière. Le gouverneur comprit sans doute que les Européens allaient opposer une vive résistance. Il n'insista point et donna l'ordre de les dispenser des formalités ordinaires. Il était temps, car déjà Fabien allait jouer des points. Le gouverneur dit quelques mots à l'interprète et celui-ci se tourna vers les aviateurs. « Vous êtes accusés, dit-il, d'avoir incendié les bois de Namatoy qui se trouvent à quelque distance d'ici. Ces bois sont la propriété du gouverneur et il vous demande dans quel but vous avez ainsi saccagé son territoire. » Ce fut Monsieur Voirin qui répondit. « Cette accusation est fausse, dit-il. Nous ne sommes pas des incendiaires. Si des criminels ont mis le feu au bois du gouverneur, nous déclinons toute responsabilité dans cet attentat. » L'interprète et le gouverneur s'entretinrent quelques instants, puis l'interprète dit aux accusés. « Le gouverneur est sûr de ce qu'il avance. Il a fait faire une enquête. Il a des preuves en main. »« Quelles preuves ? » demanda Monsieur Voirin. « D'abord, une dépêche qui lui a été envoyée de Houni et dans laquelle on lui signale l'incendie aussitôt après votre passage. »« Et c'est sur d'aussi faibles indices qu'on nous a arrêtés ?»« Des gardiens de troupeaux ont parfaitement aperçu la nuit les petites boules de feu que vous jetiez du haut de votre véhicule volant. On a même retrouvé une de ces boules. »« Ah, j'y suis !» s'écria Monsieur Voirin. « Oui, je comprends tout. Je sais ce que vous voulez dire et je vais m'expliquer. »« Parlez. » »« Il faut d'abord vous dire que nous faisons le tour du monde. Or, nous avons des concurrents, ou plutôt de terribles adversaires. Ces hommes ont jusqu'alors usé de tous les moyens pour tâcher de nous arrêter au milieu de notre voyage. Ils n'ont reculé devant rien. Ce sont des bandits. » Après avoir essayé de nous tuer avec des armes à feu, ils ont lancé sur nous des bombes enflammées. La première de ces bombes est tombée sur le sol et c'est évidemment celle qui a mis le feu au bois du gouverneur. Quant à la seconde, qui était mieux dirigée, elle est tombée dans notre aéroplane qu'elle a failli incendier. Voilà pourquoi nous avons atterri ici. C'est afin de réparer les dégâts occasionnés à notre bord par les bombes incendiaires. » L'interprète traduisit cette réponse au gouverneur. Il écouta attentivement. Puis l'interprète reprit. « Le gouverneur ne croit pas un mot de ce que vous dites. Il est bien renseigné. » « Par qui ?»« Par des gens qui vous ont vu lancer les boules enflammées. » « Ces gens ont menti. Qu'on nous mette en leur présence. » « Ils sont partis. » « Comment ils sont partis ? » ?»« Alors dans ce pays, on arrête les gens et on ne veut pas même les mettre en présence de leurs accusateurs. J'exige, au nom de la nation à laquelle j'appartiens, que l'on fasse comparaître ici ceux qui prétendent nous avoir vu lancer des bombes incendiaires. » Il y eut un long conciliabule entre le gouverneur et l'interprète. Puis celui-ci dit aux aviateurs, « Le gouverneur persiste à vous croire coupable. Néanmoins, il veut bien, par respect pour la France qu'il aime beaucoup, ordonner une nouvelle enquête et essayer de retrouver les témoins. » « Et cette enquête durera combien de temps ? » demanda Monsieur Voirin. « Je ne puis le prévoir, le gouverneur non plus. » « Et en attendant, que va-t-on faire de nous ? » ?»« On va vous reconduire en prison. » « Mais c'est indigne, c'est scandaleux !» s'écria Monsieur Voirin. « Ce sont des procédés chinois !» s'écria Fabien. « Nous entendons demeurer libres. On n'a pas le droit d'arrêter ainsi des innocents. Je refuse de retourner en prison et mes amis sont aussi de mon avis. » « Oui, oui, » répondirent Monsieur Voirin, Grondard et Francis. Le gouverneur ne comprenait pas le français, mais il vit bien à l'attitude des accusés que ceux-ci n'étaient pas disposés à se laisser faire. Il donna un ordre bref. Et aussitôt, avant que Monsieur Voirin et ses compagnons fussent revenus de leur surprise, on leur passait autour du cou de lourdes planches au milieu desquelles était ménagée une ouverture, et il se trouvait dans l'impossibilité d'opposer la moindre résistance. On les avait emprisonnés dans cet instrument de supplice usité chez les Chinois et que l'on désigne sous le nom de Kang. Ils avaient l'entière liberté de leurs mouvements, mais le poids énorme qui pesait sur leurs épaules les mettait dans l'impossibilité de se défendre. Fabien poussait des hurlements de rage. Quant à M. Voirin, plus calme, il se laissa emmener en disant à l'interprète « C'est une arrestation arbitraire dont la France demandera raison à votre gouverneur ».